Je vous demande de vous arrêter. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Bienvenue au débat de... Merde ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Salut Jeff. Salut Babou. Salut tout le monde. On est de retour, enfin. Enfin, les grèves sont finies. Voilà, on avait dit 2 semaines. Ouais. Après, pour le coup, il y a vraiment eu les grèves qui ont été compliquées par rapport au déplacement, quoi. Ouais. Donc, on n'a pas fait. Ça nous a laissé beaucoup de temps pour préparer. Donc là, on est super chaud. On a profité pour préparer pendant une demi-journée. Voilà. Du coup, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Cette semaine, le sujet, c'est quoi, Jaf? Est-ce que les femmes doivent aborder les hommes? Et du coup, suite au tirage au sort, je dois défendre cette position, tandis que Babou doit rester dans une position plus conservatrice, allons-nous dire, en disant que non, ce sont les hommes qui doivent continuer. Faire le premier pas. Exactement. Voilà. Vas-y. Let's go. Le toss coin, tu choisis quelle face. Et c'est pile, on voit les 20 centimes. Allez. Donc c'est moi qui commence. C'est toi qui commence. C'est moi qui commence. D'accord. Bon, alors quand t'es prêt, tu lances Vas-y. Le truc de 20 minutes. Prêt. Et le truc, c'est moi play round. Ouais. Vas-y, let's go. Et le plus rapide. Ok, donc les hommes doivent-ils faire le premier pas? Oui. Oui, les hommes doivent faire le premier pas, bien évidemment. Et ce, pour deux raisons principales. Parce que la société est comme ça et les femmes veulent pas. Et l'autre raison, c'est parce que c'est biologique et c'est comme ça chez tous les animaux, enfin, pas tous, il y a certaines espèces où c'est la femme qui va initier, mais dans le royaume animal, c'est quand même beaucoup plus souvent le mâle qui doit y aller et nous descendons d'espèces, de telles espèces, et c'est pour ça que j'ai cet aspect biologique dans mon argumentaire. Je te passe la main. Alors... Déjà, j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup, ça m'a permis de découvrir plusieurs psychologues sociaux ou sociologues. Donc, il y a Frédéric Godard et Éléonore Lépinard. Il y a Nicolas Guégan que je connaissais déjà et Monica Mou. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il en ressort de ces études que les femmes, elles maîtrisent mieux le langage paraverbal et corporel. Et en fait, elles vont montrer à l'homme qui les a abordés si elles veulent de lui ou pas. Et donc, en fait, ça va se traduire par... toucher les cheveux, sourire, découvrir le cou, c'est assez rigolo ça, incliner la tête, se pencher vers l'autre, tout ça c'est des signes d'intérêt. Et du coup, elles interprètent mieux le langage paraverbal et corporel, et elles le maîtrisent mieux, mais sauf que, vu que nous les mecs, on est, il faut qu'on réussisse à saisir n'importe quelle occasion, bah, on va squeezer ce langage corporel et on va à la place faire du rush, quoi. On va rusher chaque meuf jusqu'à ce que ça marche. Et du coup, en fait, leur stratégie, elle ne marche pas parce qu'elles mettent en place une stratégie que nous, on ne va pas chercher et c'est nous qui sommes actifs. Donc, il y a une asynchronisation qui est assez rigolote, j'ai trouvé. Et du coup, et je pense aussi que quand on drague, on s'expose à un jugement social, on s'expose aussi à une déconvenue parce que c'est assez humiliant quand... Enfin, humiliant... Si, ça peut paraître, on peut ressentir comme une humiliation quand on se fait rejeter. Et du coup, je pense que pour une égalité homme-femme dans une société qui la désire, il est pour moi indispensable que la femme commence à devenir active, pas seulement dans le langage corporel, mais aussi dans la manière brute, dans la séduction. Et de deux, ça permettrait à la femme de se lever, comme je vais l'expliquer dans mes arguments. Ok, donc je commence avec mon premier argument. Donc comme je vous le disais, pourquoi les hommes doivent-ils faire le premier pas? Bah, parce que les femmes ne veulent pas. Effectivement, une étude de Hiderling me dit que 73% des femmes préfèrent que l'homme fasse le premier pas. Une fois qu'en fait on est face à ça, et qu'on est dans une société où majoritairement bah, c'est l'homme qui souhaite aller engager cette relation, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter un syndicat, on va faire un appel à la grève nationale de la drague. Ça marchera jamais, parce que tout le monde sait que si tous les hommes font ça, il y aura toujours un queutard qui s'arrêtera jamais de draguer. Et donc, c'est bien pour ça que les hommes doivent faire le premier pas, parce qu'aujourd'hui, la société est construite comme ça. Alors peut-être que demain, elle évoluera, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, les femmes ne veulent pas, et donc les hommes se retrouvent obligés de faire ce premier pas. Je te passe la parole. Ouais, enfin, je suis assez d'accord avec toi, c'est un bon point. Le problème, c'est que si on cantonne les femmes et qu'il n'y a pas cet effort qui est fait, elles continueront à ne pas développer des qualités essentielles. Et du coup, pour moi, par exemple, la drague, ça t'apprend le courage, ça t'apprend l'inventivité, la créativité, ton imagination, parce que tu dois faire rire l'autre, tu dois te départir de tes congénères, donc tu dois être super imaginatif, tu dois faire preuve de beaucoup d'humour, de confiance en toi. Et je pense que toutes ces qualités, elles sont transversales, elles ne sont pas liées exclusivement à la drague. Et du coup, en devenant un meilleur séducteur ou une meilleure séductrice, tu deviendras une meilleure personne en soi. Et sauf que c'est un effort monstrueux. Je pense que tout le monde ici, tous les gens qui nous écoutent et qui ont déjà dragué, ont vu que leur première fois, c'était infâme, quoi. Tu te sens vraiment comme une grosse merde. Mais en le faisant, on devient meilleur. Et donc je pense que la femme doit s'emparer de ce cas pour devenir meilleure. À toi. Ok, donc les femmes devraient faire le premier pas parce que ça les aiderait à développer des compétences. Oui. Peut-être, c'est possible. Après, en fait, là, je pense que c'est des compétences qu'on peut développer dans d'autres situations. Il n'y a pas forcément besoin de passer par la drague pour développer ces compétences. Et du coup, je ne vois pas finalement en quoi c'est un argument pour dire que les femmes doivent faire le premier pas. Et exclusivement faire le premier pas. Je trouvais ton argument du début d'ailleurs beaucoup plus intéressant sur le fait que les femmes maîtrisent mieux l'exercice au final de la lecture physique et que du coup finalement si on laissait les hommes faire le premier pas c'était pas efficace. Mais aujourd'hui est-ce qu'on a envie que les hommes soient plus efficaces au final pour draguer? Est-ce qu'on a envie que les hommes se reproduisent plus? Jeff, on est déjà en surpopulation, 7 milliards d'êtres humains sur la Terre. Est-ce que justement ce n'est pas un dernier moyen de contrôler notre population que de laisser les hommes faire le premier pas? Qu'est-ce que tu dis de ça? J'en dis que j'aimerais bien voir la liste des moisissures intellectuelles parce que là, on doit être dans une dérive. Je ne sais plus comment elle s'appelle, celle-ci, du coup. Ce sera intéressant de regarder après, ouais. Où on extrapole. Bref. Et du coup, non, par rapport au fait que tu dises est-ce qu'on a besoin d'aller vers la drague? Attends, du coup, j'étais happé par ton dernier argument, mais avant, tu as dit que est-ce qu'on a besoin d'aller vers la drague pour que les femmes deviennent meilleures, c'est ça? Ouais. Ouais. Et du coup, moi, je dis oui, parce qu'en fait, la drague, elle fait partie de notre vie, c'est-à-dire que le rapport sexuel et amoureux fait partie de la vie de chacun, et du coup, profiter de ça pour développer des qualités vertueuses serait optimal. Et tout le monde il passe quasiment, donc ce serait génial. Et ensuite, donc, je me permets d'introduire un nouvel argument. En étant active dans le processus de drague, les femmes, par définition, seraient moins passives, mais du coup, vu qu'actuellement, elles investissent beaucoup dans leur apparence, donc selon toujours les études citées plus haut, je crois que c'est Nicolas Guégan là, qui a étudié l'apparence. Et donc, par exemple, il y a des choses qui sont une abomination pour le physique. C'est-à-dire que les talons à aiguille, c'est une abomination pour le tendon d'Achille. Tous les maquillages que les femmes vont utiliser, on sait également que ça peut provoquer des acnés ou des troubles de la peau. Et du coup, si on permettait aux femmes de moins investir sur leurs compétences passives et physiques et plus sur leurs compétences actives et orales, et du coup de séduction, d'humour, elles seraient moins obligées de s'infliger des contraintes physiques qui, dans le fond, ne sont pas bonnes pour elles. À toi. Mais est-ce que c'est vraiment ce que cherchent les hommes, au final? Est-ce qu'aujourd'hui, la tendance qui est de dire que l'homme, justement, doit se montrer rigolo, etc. Est-ce qu'en fait, si on applique ces mêmes comportements aux femmes, est-ce qu'on va atteindre le même résultat de réussite de draguer l'autre, de choper l'autre? Est-ce que c'est pas justement parce que les hommes sont plus portés sur le physique qu'on a cette relation qui s'échange comme ça? Et en plus, tu parles de maquillage, talons à aiguille. Au final, aujourd'hui, quand tu te balades dans Paris, que tu vois les gens en soirée, Moi, je trouve qu'on est quand même beaucoup plus éloigné de ces clichés. Alors, c'est peut-être les endroits que je fréquente moi, mais qui, j'ai l'impression qu'ils font plutôt partie des endroits qui sont fréquentés par les masses et pas les grandes soirées. Mais surmaquillé, gros talons aiguilles, ça fait plus trop partie de la mode actuelle et de la mode de séduction utilisée par les femmes. Voilà. Je sais pas, j'ai pas les chiffres sur l'utilisation du talon aiguille ou des maquillages, mais le fait est que ça existe, que ça a été inventé et que ça s'est porté. Et de ce fait, alors que c'est une abomination pour le corps humain. Mais et du coup, avant, tu disais que les hommes seraient plus efficaces pour la drague et que du coup, on aurait intérêt à continuer ainsi. Sauf que tant qu'on ne donne pas la chance aux femmes d'être actives, elles ne pourront pas développer ses compétences et du coup, il faut tester. Et comme on l'a dit plus tôt, c'est pour le plus grand bien. Et aussi, c'est pour elles en première parce qu'il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé ça fou, c'est en fait, les femmes, elles ne vont pas choisir, elles vont juste choisir dans ce qui leur arrive dans l'escarcelle. C'est-à-dire que tous les matins, tu te réveilles, tu as un panier et tu choisis dans ce panier au lieu d'aller pêcher dans la rivière et choisir tous tes poissons. Et c'est pour ça que les femmes doivent... être active dans le processus de séduction pour choisir ce qu'elle désire et ne plus être passive et attendre que ce qui arrive vers elle. Et c'est là où c'est intéressant pour tout le monde. À toi. Mais du coup, on va se retrouver dans une situation inverse où les hommes ne devront choisir que ce qui sort de leur panier. Et de toute façon, si on revient juste à la base de la séduction, biologiquement, comme je disais au début, dans le royaume animal, en fait, les espèces se comportent toujours comme ça, avec le mâle qui fait le premier pas et qui est en charge de la séduction. Et ça, c'est des comportements qu'on a encore chez nous, mais en fait, on le retrouve chez le primate avec l'étude de evolutionhumaine.fr. On voit que les mâles primates peuvent avoir une dizaine d'enfants par an, là où la femelle, elle va avoir une seule portée. Et du coup, ça entraîne une différence de comportement parce qu'en fait, si l'homme il veut avoir une dizaine d'enfants, bah, il faut qu'il puisse conquérir différentes femelles. Et donc lui, il doit être plus actif dans la recherche de partenaires sexuels parce que c'est lui qui doit se manifester. Et donc ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre comportement social parce que je rappelle que la base de tout ça, c'est de dire que en fait, la victoire des espèces, si on regarde l'évolution biologique, la victoire des espèces, c'est toujours d'être l'espèce qui se multiplie le plus, qui se reproduit le plus. Et donc tout ça, c'est des choses qui sont ancrées en nous et qui va être difficile de combattre. Et donc qui est ancré chez les femmes et qui aussi fait que... elles ont pas intérêt à aller faire le premier pas. Alors justement, moi je trouve que ça irait très bien avec cet impératif biologique où tu disais que les femmes, en fait, elles ont en fait intérêt à être plus soigneuses dans la sélection de leur conjoint vu qu'elles vont être enceintes et que du coup, elles seront vulnérables pendant ce temps-là. Mais du coup, au lieu de choisir les mâles qui viennent à elles, si elles vont choisir, elles augmentent leur possibilité de choix et de ce fait, elles auront un meilleur choix pour choisir le mâle adéquat pour leur tomber enceinte, etc., etc. Donc, en fait, elles se rendront moins vulnérables par la suite. Et ensuite, on est des êtres intelligents avec un cerveau qui... On a vachement évolué, on s'est vachement écarté de notre condition biologique, même si elle est toujours ancrée en nous. Et donc, par exemple, on n'est pas fait pour être assis 12 heures par jour, pourtant on le fait. On n'est pas fait pour être en permanence sur un portable, pourtant on le fait. On n'est pas fait pour être devant un écran 14 heures par jour, et pourtant on le fait. Et du coup, au lieu de se laisser attirer par les mauvais côtés, on peut aussi s'écarter pour les bons côtés, et en l'occurrence, devenir plus actif. Et j'introduis un autre argument aussi. Je pense que pour le climat social, ce serait plus sain si les femmes abordaient. Parce que si, en tant qu'homme, on sait qu'on va se faire aborder, que potentiellement, on peut baiser à n'importe quel moment, potentiellement, ça peut diminuer la tension qui existe actuellement, donc avec le harcèlement de rue, avec MeToo, etc. Donc, je pense que le bouleversement viendra de voie légale, de voie sociale, de comportement, d'éducation notamment. Mais aussi, je pense que si les femmes s'emparent de cette problématique de la séduction, ça peut inverser un peu le rapport de force, un peu le rapport d'agressivité, et que ça assainit le climat social. À toi. Effectivement, bon, c'est un bon argument. On peut se dire que si les femmes font le premier pas, elles vont, on va changer cette position qu'ont les hommes, et donc ils vont peut-être avoir des comportements moins agressifs et moins chercheurs. Mais ça, encore une fois, aujourd'hui, en fait, c'est pas inscrit dans notre société. Et donc, en fait, si aujourd'hui on dit aux hommes de ne plus faire le premier pas et on dit aux femmes de faire le premier pas, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, les gens, ils ont envie de ça? Est-ce que les femmes, elles en ont envie aujourd'hui de faire le premier pas? La réponse, comme je disais au début, la réponse est non. Elles n'ont pas envie de faire ce premier pas. Et du coup, on va se retrouver dans une situation où finalement, on va aller à l'inverse de ce que tu proposes, où finalement, on aura deux camps qui ne se parlent plus, complètement frustré. Complètement frustré. Oh, et qui va justement arranger ce clivage social entre les hommes et les femmes. Je te passe la parole. On va essayer de répondre sérieusement. Du coup, j'arrive même pas à reformuler tellement c'était absurde, quoi. Du coup, donc, si pour y revenir, donc tu disais que les femmes ne veulent pas aborder, et en fait ça me paraît logique, ça me paraît logique d'un point de vue féminin, ça me paraît logique d'un point de vue humain, c'est-à-dire qu'on est toujours à la recherche du moindre effort, et que comme on l'a dit plus tôt, aborder, bah, c'est très coûteux d'un point de vue énergétique. Mais sauf que je suis sûr qu'on peut comprendre très vite que ce coût énergétique, il sera très vite pallié par des gains derrière. Donc on a dit climat social plus important, un choix plus important dans les partenaires, un développement de qualité personnelle plus important. Et tout ceci donne un intérêt à devenir plus actif dans le processus de drague. Et après, bah, c'est sûr que ce sera je pense que c'est quelque chose de dur, c'est-à-dire que il faut qu'elle réussisse à résister au jugement social, il faut qu'elle réussisse à ce qu'il y ait des prophètes aussi, c'est-à-dire des femmes plus fortes que la moyenne qui vont aller en première ligne, qui vont faire fi du regard des autres pour draguer, pourquoi pas multiplier les conquêtes si elles le souhaitent, ou réussir du premier coup, et mettre tout ça en place, être des modèles pour les générations suivantes. Ok, je pense que du coup, c'est les derniers arguments. Et donc, moi, je conclurai sur dire les hommes doivent-ils faire le premier pas? Oui, en fait, on vient de le prouver dans cette discussion. Que si les hommes ne font pas le premier pas, en fait, on va se retrouver dans une situation où la séduction n'existera plus. Parce que la séduction... qui est inscrite en nous biologiquement, en fait, fait que là, comme tu l'as dit au début, en fait, les femmes lisent plus facilement physiquement, elles sont plus dans cette attirance passive et ce jeu, et en fait tout ça fonctionne sur un système où c'est l'homme qui doit aller faire le premier pas, et la société aujourd'hui est construite comme ça, et si en fait les hommes ne font plus le premier pas, on y aura plus de séduction. Voilà. Tu peux dire ton dernier mot, parce que tu savais pas que c'était... Si, je savais, de toute façon, j'avais fini avant, donc tu peux encore utiliser tes 2 minutes si tu le souhaites. Non, c'est bon. Ok, on va s'arrêter ici. Ouais. Du coup, fin du débat. Vous pourrez nous dire ce que vous avez pensé. Vous pourrez nous prévenir que Jeff a sûrement gagné. Justement, la dernière fois, toi, on pensait pas, et puis le feedback a été autre. Ouais, non, mais bon. Et j'ai trouvé ça très intéressant, là, toutes ces études sur la psychologie sociale de la séduction. J'ai beaucoup lu du coup bah, sur les divers auteurs, et c'était vraiment cool. Bah, et contrairement à la dernière fois, tes arguments, ils étaient intéressants. Là. Jeff me fait un doigt d'honneur, ça c'est une... Paraverbal, ouais. C'est paraverbal, mon gars, tu vois. Non, mais j'avoue, punaise, moi je suis pas allé chercher aussi loin, et franchement, je trouve que t'avais des trucs vraiment intéressants sur le concept. Après, c'est difficile sur ce débat, parce que tu c'est soit oui d'un côté, soit oui de l'autre. Et donc l'entre-deux, on s'était fixé comme objectif de ne pas aller chercher l'entre-deux. Oui. Et du coup, ce qui rend le débat très vite sclérosé, je dirais. Oui. Voilà. Mais après, je pense que tu peux aller chercher l'entre-deux. On n'est pas obligé de fixer cette règle frontale. Justement, tu peux essayer d'aller dans la zone grise pour attirer l'autre ou foutre le trouble. Ouais, mais après, c'est un risque que ça finisse on est tous les deux d'accord, qu'on se serre la main et puis qu'on soit copains, quoi. J'ai pas du tout envie de mais ça. C'est pas. Enfin, tu sais, on peut tester aussi. On peut voir ce qui oui, se passe. Bien sûr. Alors, du coup, ce qui était rigolo tout à l'heure, là, donc on va essayer, là, je suis sur la page. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un site qui s'appelle cortex.org et vous pouvez le retrouver plus facilement si vous tapez moisissure argumentaire. Il y en a 25. Et donc, tout à l'heure, Babou, si je me souviens bien, c'était un peu si on va voilà, on va vers l'apocalypse, c'est ça? L'apocalypse, wow, c'est un peu exagéré, Jeff, ce que tu dis là. Est-ce qu'on est d'accord que dans la construction de ton oui, argument, c'était oui, une chose oui, comme oui, ça oui. Et du coup, si je m'en souviens bien. Mais tu l'avais là, non? Je l'avais? C'était pas le. C'est pas la pente savonnaise plutôt? Alors, faire croire que si on adopte la position de l'interlocuteur, les pires conséquences, les pires menaces sont à craindre. Et c'est exactement ça. Ouais. Donc, alors, repassons le truc. Tu disais. Je disais que si les femmes faisaient le premier pas, qu'est-ce que j'ai dit ? On serait dans deux camps différents, plus personne ne se draguerait, ouais, tout ça. Ouais. Donc, un scénario un peu apocalyptique. Et donc, en fait, chère personne qui nous écoutait, on dit quoi ? Non. Comment on dit quelqu'un qui nous écoute ? Auditeur. Ah, cher auditeur, oui. Cher auditeur, vous voulez vraiment lui donner la victoire ? Il ne sait même pas dire auditeur. Cher auditeur, auditrice. Donc, quand, dans une discussion comme ça, dans un débat, où, si quelqu'un fait planer une grosse menace sur votre argument plus ou moins raisonné, ça s'appelle la pente savonneuse. C'est juste fait pour effrayer. Et puis voilà. Voilà. Donc les exemples, c'est pas du tout ce que moi j'ai dit, mais par contre, un exemple, ça peut être si l'homme descend du singe, où va-t-on ? C'en est fini de la morale. Ah, ça, c'est ça, c'est super construit. Et ça, ce que je préfère dans le meilleur exemple, c'est le troisième, je trouve. C'est donc le meilleur exemple de la pente savonneuse, c'est si on autorise le mariage pour tous, alors pourquoi pas le mariage avec des animaux et même l'inceste et la pédophilie ? Je trouve que c'est l'exemple parfait de la pente savonneuse où t'as un truc raisonné et logique. Et tu vas vers un truc what the fuck qui n'a rien à voir, quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment mon exemple préféré. Je trouve qu'il a beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens, c'est français. Et même le deuxième est horrible. Si on commence à vouloir dépénaliser le cannabis, bientôt légaliserait le mariage homosexuel. Bon, là, c'est vraiment exagéré. À quand la dépénalisation du viol pour... Voilà, légalisation du viol. Et en fait, ce qui est fou, toi, là, quand on lit ces exemples qui sont horribles, quand on les lit. Mais en fait, je trouve que sur les plateaux de télé, BFM, etc., etc., en fait, mine de rien, c'est un moyen assez utilisé couramment de vouloir effrayer la population sur des choses comme ça. Et... Ouais. Non, mais si, oui. Mais en fait, c'est aussi... vrai que c'est plus difficile à détecter, quoi. Ouais, mais parce que du coup, c'est rarement aussi choquant que ça, quoi, parce que là, c'est bon. Clairement des exemples extrêmes. Yes. Bon, maintenant, on va regarder toutes tes moisissures intellectuelles, parce que du coup, moi, j'en ai fait une. Jeff, il a fait les 24 autres. Non, du coup, je te propose de plutôt passer au tirage au sort. Allez, pour le suivant. À tout de suite. À tout de suite. Ok, donc, le sujet de la semaine prochaine. Alors, de la semaine prochaine. Dans 15 jours. Dans 15 jours. Si nous respectons cette fois-ci nos délais. Ce sera, est-ce que les jeux vidéo rendent-ils violents ? Voilà. Si vous voulez vraiment nous écouter dans 15 jours, arrêtez la grève, s'il vous plaît. Donc, les jeux vidéo... Vive le prolétariat. je suis pour. Les jeux vidéo rendent-ils violents ? Du coup, on va lancer le tirage au sort. Donc là, c'est Jeff qui lance. Ouais. Donc... Pour si tu n'importe quel oui ou non, ça sera c'est ça, okay. Toi qui devras... Es-tu prêt ? Je suis prêt. Allez. Oui. oui. Oui, les jeux vidéo rendent violent. Jaf doit défendre le oui, ce qui est génial pour Allez. Moi. Mais en fait, je pense qu'il y a des bons arguments. Bref. Babou va enfin avoir le camp du bien, quoi. Ouais, une position qui me va. Je sais pas si c'est le camp du bien, parce que ça se trouve, ça rend violent et juste on n'est tous pas d'accord. Très bien, bah du coup on va s'arrêter là. Yes. On vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés et de ah oui aussi je voulais vous remercier d'avoir dit que le premier c'était moi qui avais gagné, ce qui était clairement évident. Ça m'a permis de me foutre de la gueule de Jaf pendant très longtemps. Et donc maintenant si vous pouviez faire la même chose, je vous serais très reconnaissant. Certes. Ah tu veux, ok. T'as pas de mot de la fin? Non, ça me va. C'est ma signature. Allez, à plus tout le monde. Ciao les gars.